Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans le Rockfort Show sur Radio Bzzz, Bzzz, Bzzz. Bonsoir à tous, bonsoir surtout à Tom. Tom, qui, heureusement qu'il était là, parce que vous savez quoi ? Tom a failli faire l'émission tout seul. Ouais. Enfin, avec les invités, mais tout seul. Non, mais je peux la faire tout seul, ouais. Tu vois ? Ouais, bah oui. c'est pas dur, hein. Ouais, je sais, tu coupes, et puis moi je vais reprendre mon transport qui n'arrivait pas. Hein ? Allez, ce soir, nous sommes le jeudi 20, et quand le 20 est tiré, il faut le... Oh putain, y'a personne qui répond, ils sont même pas au taquet. Bah Gaston, hein. Quand le vin est tiré, il faut le boire. Il faut le boire. Non mais mon Dieu, c'est pas possible. Mais en même temps, les invités qui sont là, qu'on va présenter dans un instant, ils ont pas les micros dans les mains, donc ils peuvent pas parler. Tu peux pas les entendre. D'abord, tu leur donnes aucun micro. Ce soir, nous recevons un petit groupe insignifiant. On va essayer de vous les faire découvrir parce que personne les connaît. Hein ? Ils pleurent d'ailleurs, ils étaient devant la porte en train de pleurer. Personne nous connaît. Bon, bah voilà, on va en parler ce soir. Ça s'appelle, c'est un nom de code, M.F. C'est cru. Comme Motley. Ils sont comme Motley, ils sont crus. Hein ? Bon, on en reparle tout à l'heure. Pour l'instant, eh bien, je vais saluer mon cher Tom. Encore ? Ouais, j'ai envie de te saluer. Toi, t'en as pas marre ? Non, j'ai envie de te saluer. Moi, je vais fermer ton micro. Parce que j'en ai marre de t'entendre. Tu sais pourquoi je veux te saluer ? Parce que j'adore quand tu fais des blancs. Mais la prochaine fois, mets un peu de jaune dans tes œufs aussi. Ça peut être sympa pour faire les gâteaux. Hein ? D'accord ? Enfin, je dis ça, je dis rien, mais bon, je le dis quand même, quoi. Bah, ferme ta gueule, quoi. 86e émission sur Radio Biz ce soir. Et nous recevons le groupe MF Crew Motherfucker Crew. Bonsoir, messieurs, dames. Non, messieurs. Enfin, dames. Oh, il y a des dames aussi. Il y en a un qui a un pantalon, on m'a dit, qui fait un peu dame. Bonsoir. Bon, et nous allons parler de ce tout nouvel album qui vient de tomber sur nos téléscripteurs. Ah ouais, non, on est vieux nous, hein. On a encore des téléscripteurs. On a reçu déjà les titres par Minitel. Hein, ça a été très dur parce qu'il n'y a plus de réseau et on a eu du mal à décrypter tout ça. Moi j'ai reçu un télégraphe. Bah, ils sont venus en pneumatique. Il y a eu un titre en pneumatique, ça a été dur. Hein. Mais bon, on a réussi à l'écouter. Ça va, c'est pas trop mal, hein. Ça va, on en reparle. Pour l'instant, on vient d'écouter en début d'émission un vieux groupe de la New Wave of British Heavy Metal. Bah, elle est plus si New Wave que ça, hein, la British Heavy Metal. Mais c'est un groupe qui est né en 1979, je pense que tous les jeunes gens qui sont autour de la table n'étaient pas encore nés. Effectivement. Voilà. Hein ? Alors, non, t'étais le seul. J'étais le seul à être né. Donc, en même temps, on n'est pas tous à la retraite. Hein, je suis le seul à connaître. C'est nous qui te payons, sache-le quoi. Je suis le seul à connaître donc ce groupe qui s'appelle Clovenhoof et qui nous vient d'où ? Bah, parce que tu peux quand même m'aider ce soir, Tom, hein ? Ah non, je suis pas là moi. Non, t'es pas là. Bon, il nous vient du Royaume-Uni, bien évidemment, puisque c'est la New Wave of British Heavy Metal. C'est bien, il y en a quand même un qui suit. C'est leur 6e album studio, bien entendu, parce qu'il y a eu des lives, il y a eu des EP, il y a eu tout un tas de trucs. Ça fait 9 titres. C'est sorti chez High Roller Records le... Non, on est combien aujourd'hui ? On est le 20 ? Bah ça sort demain, voilà. Ah oui, quand le 20 est tiré, faut le voir, donc tu en bois. Attention, tout abus d'alcool est dangereux pour la santé. Buvez avec modération, avec plein de potes. Bah, ce soir, ça tombe bien, il y a des potes à la maison. Le titre de l'album de Clovenhoof s'appelle... Viens à la maison. D'accord, s'appelle Who Brews for the Morning Star. Ah oui, Morning Star, bien sûr. Et le titre que je vous ai proposé de découvrir s'appelle Mind Master. Voilà, qu'est-ce qu'on peut vous dire d'autre ? Je crois que c'est tout. Non, le groupe s'est formé en 79, comme je vous l'ai dit. Mais surtout, il y a un nouveau chanteur. Ce n'est pas le chanteur d'origine. Et c'est un chanteur ricain. Voilà. Ce que vous entendez en fond sonore, c'est un groupe qui vient d'où ? Les États-Unis, tiens, encore eux, Inquisition, qui seront en concert. Monsieur Tom, je te laisse le dire. Inquisition en concert au Glazart, yes, le 24 avril prochain, c'est-à-dire dans 4 jours. Oui, et avec qui d'autre ? Avec Valborg, Cobalt et Pylorian. Pylorian, qu'on entendra en fin d'émission si vous êtes sage. Parce que... peut-être pas toujours sage. Mais on n'est jamais sage. On vous rappelle que le groupe que l'on reçoit ce soir s'appelle Motherfucker Crew. Ils vont mettre une ambiance d'enfer. Voilà, ça commence bien. Eh bien, puisqu'ils veulent boire, nous allons partir en Allemagne. En Allemagne, boire des chopines de bière avec Tankard. Tankard qui fête ses 35 ans de carrière, qui sort son 17e album studio. On compte pas les albums live. L'album fait 10 titres. Il sort chez Nuclear Blast. Et oui, ils ont changé de maison de disque. Je crois qu'ils étaient chez AFM auparavant. Et leur nouvel album s'appelle One Foot in the Grave. Ouais, c'est bon. Yes. Et le titre qu'on va écouter ce soir, mon cher Arena Tom of the Truth Lies. Très bien. Ça sortira le 2 juin, donc on est vraiment, vraiment très en avance. C'est une exclue, c'est pour The Motherfucker Crew. C'est pour eux. C'est pour eux, j'ai choisi, c'est pour eux. Je voulais leur faire un cadeau ce soir. Le 2 juin sera peut-être mort. Un cadeau qui me coûte pas cher. Rappelle-toi. Voilà, c'est un titre de Tankard. Le quartet donc de trash allemand s'est formé en 1982. Tous les gens qui sont autour de la table n'étaient pas nés, bien entendu, à Francfort, toujours pas nés. Mais un jour ils vont naître, un jour peut-être. Hein, on en approche et donc ils viennent de Francfort. Pas le groupe qui est là ce soir, mais le groupe Tankard. Nous enchaînerons ensuite avec un groupe qui s'appelle Suffocation, un petit peu ce qui se passe autour de la table, ils sont tous en train de suffoquer. Voilà. Attends, merci. Attends. C'est bien, ils font les bruitages. Avant que suffoque, tu suffoqueras quand même avant eux, enfin avant nous-mêmes. On verra. Pour l'instant, je tiens la barre et je la tiens bien. C'est le 8e album du groupe, il contient 9 titres, il s'appelle... De quoi ? Bon bah je crois que c'est mort. Tom est au taquet ce soir, il peut pas faire mieux. Of the Dark Light. Of the Dark Light. Et le titre que je vous propose de découvrir, c'est toi. C'est Our Last Breath. Ton dernier souffle est arrivé ce soir. Ah mais oui, bien sûr, mais je te l'ai dit là, déjà dans 15 jours on sera peut-être mort. Alors... Nuclear Blast, encore une nouveauté que j'offre au Motherfucker Crew et aussi à tous ceux qui nous écoutent, puisque l'album sortira que le 9 juin. Ils nous viennent donc des USA de New York. C'est un quintet de death metal. Et ce sont les pionniers du genre aux États-Unis. Et ils seront en concert, mon cher Tom, au Motocultor. Mais ça, ce sera en... C'est pas tout de suite. mais tu prends de court, je suis sur autre chose. Non, en même temps, c'est vrai, je te prends de court, mais en même temps, chez toi, il n'y a rien de long, donc on peut prendre que de court. Hein, et ça sortira. Ils sont en août 2007, Bien, bravo. Oh, alors là, on peut l'applaudir. Tom a trouvé la date. Laisse-moi le temps de me préparer. Ça fait quand même 6 mois que je lui ai envoyé le conducteur. Non, mais il faut le dire. 6 mois avec le décalage horaire, c'est vrai que ça a mis du temps avant d'arriver chez toi. Nous enchaînons ensuite avec un groupe. Alors, franco-international, puisque c'est un groupe qui vient de Londres, d'origine. Mais dedans, on retrouve un Chinois, on retrouve un Allemand, on retrouve un Russe, on retrouve tout le monde. Quoi. C'est un melting pot de nationalité. Quoi. Ça va pas plaire à Le Pen, tout ça. Enfin bref, le groupe s'appelle Dragon Force. De toute façon, ils s'en foutent, ils votent pas en France, eux. Donc, ils n'éliront pas, madame. L'album s'appelle... On a le droit, au fait, de parler politique ce soir, encore, ou on n'a plus le droit ? Mais on est sur Radio Québec. On est sur Radio Québec, très cher. Donc on a le droit. L'album s'appelle Reaching Into Infinity. Et il paraît que tout est dans le titre sur les influences de cet album. Donc, à vous de comprendre. Le morceau que je vous propose de découvrir ce soir s'appelle Ashes of the Dawn. Ça sort chez ERR Music le 19 mai 2017. On aura un nouveau président d'ici là. Hein ? Non, peut-être. Si on n'est pas mort. C'est ce que je dis depuis tout à l'heure. Ouais, c'est vrai. Du coup, il sortira peut-être pas. Peut-être pas. C'est le 7e album du groupe qui devrait donc sortir. Hein. Normalement, il fait 11 titres plus 2 titres bonus pour la série, enfin pour l'édition limitée. Et il inclut également un DVD, 6 titres, tiré du Woodstock qui a eu lieu en Pologne en 2016, Woodstock Festival. Et il contient donc 6 titres enregistrés live. C'est super, franchement. C'est un groupe de power speed mélodique qui s'est formé en 2001, Odyssée, non, pas du tout, avec Fred Leclerc à la basse. Hein, Fred Leclerc, tout le monde connaît Fred Leclerc. Oui, bien sûr. Ah, ouais. Moi, je connais Edouard. Mais C'est son frère. Son fils, parce qu'il est quand même un peu jeune, Fred. Il était né en 82. Et il était né. C'est son fils. Nous enchaînons ensuite avec Thunder, qui, eux, alors là, je te le laisse. Ils sont en concert, mon cher Tom. Thunder. Ils sont en concert le 23. Ça t'étonne peut-être aussi. Mais ils seront effectivement en concert. Là, c'est étonne, ouais. Là, c'est étonne. L'album s'appelle Rip It Up et j'ai choisi quelque chose de très facile pour toi puisque le titre que nous allons diffuser ce soir est le titre éponyme qui s'appelle... Ouais, Rip It Up. Rip It Up. On n'y arrivera pas, je suis désolé. On est vraiment... Mais non, mais là, par contre, tu parles de concert, mais tu dis pas qui c'est qui a vécu en concert. Si, mais il faut que tu le dises, justement. Oui, mais pourquoi tu le dis que maintenant? Ils sont en concert l'Espace B, le 23, avec Hurlement et Catch. Non, pas du tout. Je pense que tu t'es planté. La maroquinerie, le 25, alors. Ouais, exactement. Parce que même quand tu lis un truc, tu le lis mal. Mais le truc, c'est que comme tu mets deux feuilles et qu'elles sont pas droites alignées, c'est pas cool. Oh là, je te jure. Je te demanderai ça, Fille, Allez, Thunder, donc, en concert. C'est notre partie remise. En concert, à la maroquinerie le 25 à Paris. Chut, soyons sérieux un petit peu, monsieur. Non, il y a les sirènes dehors, on peut pas être sérieux. L'album est sorti chez EAR Music en mois de février, le 10 février exactement. C'est leur 11e album studio et il contient 12 titres plus des bonus. Un double album live pour l'édition collector, mais je pense qu'elle est déjà épuisée. Voilà, et bien on se retrouve tout de suite après ce flash d'informations, enfin surtout ces titres. On vous rappelle le numéro de téléphone, mon cher Tom. 06 80 01 28 34. Parce que dès maintenant, sans plus attendre, pendant toute la musique, vous allez pouvoir gagner des places pour aller voir un festival, un concert. Non, mais tu peux me laisser finir, puisqu'il s'agit... salopard. Puisqu'il s'agit du samedi 29 avril, il y aura le groupe Volker et le groupe Doul qui seront en concert au Backstage from the Mill Café, au 92 boulevard de Clichy, et vous pouvez rafler des place pour aller voir ce groupe pendant toute la durée de cette plage musicale. Musique. Celebrate the truths of the modern excitement that's all. See? take you for granted. Kill your dreams out one at a time. If you're not retour dans les studios, son de hurlement, même s'il hurle pas pour l'instant, il va venir, hein, ne vous inquiétez pas, le nain de hurlement, il va venir, il s'appelle Warnabot et il arrive, hein, non, il n'arrive pas, non, mais il va arriver, Tom, pendant... ah bah tiens, le plat, salut Alexis, bon, bah Tom, maintenant tu peux désannoncer un petit peu ce qu'on a passé, mon chéri. Ah, c'est à moi, là? Ouais. Attends, deux secondes. Toujours, oh, attends. Mais ouais. Non, parce qu'on m'a piqué mon micro, il a fallu que je change tout ici. Tom, c'est à toi. C'est et lui, il nous dit non, pousse. Bah ouais, je suis désolé. Bah alors, on a écouté Tankard, Suffocation, Dragon Force et Thunder. Et on a gagné 10 euros. Puisque on a posé une question aux membres de Motherfucker Crew, ils n'ont pas su répondre. Au quintal près, combien buvait de bière Guéreux, chanteur de Tankard, et on a gagné 10 euros. Et c'est super, hein. Ouais, j'ai dit que c'était un quintal, mais du coup c'était deux. Allez, ceux que vous entendez donc en fond sonore, le groupe s'appelle Hurlement, ils seront en concert dimanche soir à l'Espace B, accompagnés de Cage et Altered Beast, que nous allons écouter dans la prochaine présentation musicale. Nous commencerons donc avec Cage, tiré de leur troisième album, quatrième album, qui s'appelle Hell Destroyer. Et le titre que je vous propose de découvrir s'appelle From Death to Legend, sorti en 2007. Les gens qui sont autour de la table n'étaient pas nés à cette époque. Ah, si, là, ils étaient nés quand même. Presse. Le groupe éricain, il fait du heavy speed. Et puis voilà, et puis c'est bien. Et puis c'est très bien. Nous enchaînons ensuite avec un groupe qui, comme le groupe que nous recevons ce soir, était présent au Paris Metal France Festival 6. Alors, ils y étaient le 6 janvier. Le groupe s'appelle Altered Beast. Et le morceau que je vous propose de découvrir est un morceau tiré de leur premier album qui s'appelait Living for the Sun. Et le titre, ça tu dois connaître, mon cher Tom. Tu dois connaître ce titre. Le titre de Altered Beast. Vibrator. Voilà, c'est ce que tu utilises tout de suite quand l'émission est terminée. Nous dévoilons un petit peu les secrets chaque semaine de l'émission. Non, toi tu utilises un vibrateur, moi je dis non. L'album est sorti chez Great Den Records en 2012. Les gens qui sont autour de la table étaient nés. Et malheureusement, oui, ils étaient nés. C'était le premier album du groupe qui faisait 13 titres. Et le nouvel album est en cours d'enregistrement, bien évidemment. Le groupe nous vient de Picardie, d'Amiens. Et ils nous font du heavy metal. Donc retrouvez ces groupes Cage, Hurlement et Altered Beast, dimanche soir, bien évidemment, à l'Espace B. Ça commence à 18h, je crois, ouverture des portes. Et surtout, vous pouvez rafler des places au 06 81 01 28 34. Voilà, on attend vos petits messages. Alors, c'est simple, il faut juste nous dire quel est le groupe qui est invité ce soir et dont je vais parler incessamment sous peu, c'est-à-dire maintenant. Dont l'album qui s'appelle First Ride vient tout juste de sortir. Au mois de mars. Et en mars. Bah on était nés. On était nés. Le 23 mars. Ils sont nés. Enfin, l'album est né le 23 mars 2017. Donc, le groupe s'appelle MF Crew. Et nous allons écouter un premier titre de cet album. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Le titre s'appelle L'Aventura. Parce que c'est toute presque, une aventure. C'est presque ça. La Verdura. Ou la Verdure, mais avec un. Voilà. Bon alors, parlez-nous un petit peu de cet album. Vous avez mis longtemps avant d'accoucher de cet album, parce qu'il y a eu un EP avant. Effectivement. Et vous avez reçu, c'est l'année dernière. Ah ouais, ça fait déjà un an. Ça fait déjà un an. Eh ben. Et vous savez que il va falloir payer votre abonnement. On reviendra l'année prochaine. Voilà. Non, vous le payez cette année pour l'année prochaine. Non, on te file les sous l'année prochaine. On n'est pas encore riche. Alors parlez-nous un petit peu, bon. Brièvement, hein, de ce titre que l'on va écouter, qu'on va découvrir sur ce nouvel album First Ride. Eh bien, la Verdura, en fait, pour la petite histoire, c'est les mésaventures de Pascal, donc qui était notre frère. Batteur et qui va, qui maintenant cède sa place à Nima qui est là. Bonsoir. Bonsoir, c'est moi. Bonsoir. Si, c'est lui. Et ouais, on a raconté, parce que Pascal, à chaque fois qu'on part en vacances, il lui arrive des trucs de fou. Et donc du coup, on a tourné ça par rapport à la Verdura, donc par rapport aux effets de Sissi la Marie-Jeanne. Très bien. Bon, moi je vous propose d'écouter de la musique, on se retrouve tout de suite après avec le groupe pour parler, bien entendu, en profondeur de ce nouvel album First Ride. Mais pour l'instant, on écoute Cage, Altered Beast et Mammoth Crew Music. Has shocked the very foundation of our society. His last proclamation, which was previously stalled in the UN Senate, has now been unanimously passed into world law. This truly is his last gift to mankind, and perhaps his greatest of all. Yeah. show, and the voice will drag you in the apocalyptic way. What's going on is crazy town. Spare De retour dans les studios, vous êtes toujours à l'écoute du Rock for Show tous les jeudis soirs de 19h30 à 21h30 pour la France, 13h30, 15h30 pour le reste du monde, mais surtout le Canada, hein, on va dire ça comme ça, le Québec. On salue Hugo, Eric, on salue tous ceux qui nous écoutent chaque semaine. D'ailleurs, vous pouvez venir nous voir sur la page du Rock for Show, sur la page de Radio Biz ou de RadioQuébec.biz. Également, vous pouvez nous laisser vos petits messages, vos doléances et tout ce que vous voulez. Par contre, on ne vous répondra pas en direct parce que nous sommes en train de discuter avec un fabuleux groupe que vous entendez en fond sonore. Le groupe s'appelle MF Crew, Motherfucker Crew. Et nous les recevons ce soir. Oui, leur album s'appelle First Ride. C'est ça. C'est très bon, hein, ça fleure bon le... Ouais, ça fleure bon, c'est ça. Hein, ça fleure bon. Ça fleure bon comme le pantalon du fabuleux chanteur de MF Crew. Bon, en tout cas, on vient d'écouter un premier titre ce soir. Hein, et on a découvert quasiment... combien vous avez joué de titres au Dr. Feelgood de cet album ? On a tout joué. Vous avez tout joué. Ah, vous avez tout joué. Et ouais. Ah, vous êtes comme ça, vous. Exactement. Alors, tous ceux qui sont venus vous voir, c'est-à-dire ceux qui étaient dehors, parce qu'il y avait du monde quand même dehors, hein, ouais, qui n'ont pas pu rentrer, parce que c'était quasiment plein. C'est ça. Hein, vous avez... C'était le... Voilà. Super surprise. Ouais. Et puis, surtout, il y avait des amis aussi qui étaient avec vous sur scène, parce qu'il y a eu deux shows. Il y a eu d'abord la présentation de l'album. C'est ça. Et puis ensuite, il y a eu Jam Session. Exact. Hein, ça, ouais, avec les copains. Racontez-nous. Ouais. Tu parles bien dans le micro. Ouais, pardon. Hein, là, bah écoute, on s'est dit que la plupart des gens en release party, tu sais, ils mettent l'album, ils font écouter l'album et tout, c'est cool, tu vois. Mais on s'est dit, écoute, là, on a l'occasion de vraiment essayer de faire un petit concert sympa. Au début, on s'est même dit juste de monter sur scène et de faire un buff et tout, mais enfin, l'idée, on est venu à carrément genre jouer l'album directement. Il y a même des gens qui sont venus jouer l'album avec nous, certaines personnes. Oui, il y a eu votre ancien batteur. C'est ça. C'est ça. Et ouais. Même mais d'autres gens. Pascal, le grand frère, c'est ça. C'est Pascal. Ça, exact. Non, on refait la blague parce que peut-être que vous n'avez pas tout compris tout à l'heure. Et tout. Donc on aime bien, on est redondant, on est bien relou aussi. Hein. C'est rock, c'est fort, c'est chaud, c'est le rock for show, quoi. Le rock for show, exactement. Vas-y, je t'ai coupé. Non, mais t'inquiète, de toute façon, c'était pas intéressant ce que je disais. Non mais voilà, on s'est dit, écoute, nous on va le jouer l'album, on s'en fout, et ça s'est super bien passé, et ensuite on s'est attendu à ce que ce soit un gros bordel, parce que c'était quand même genre, le line-up changeait à chaque morceau quasiment, et en fait c'était juste trop bien, on s'est trop amusé, il y avait les copains de Unscared, Rapture Farm, Backslash, One Last Shot aussi qui était là. Ouais, il y avait les deux de One Last Shot qui étaient juste, je les ai vus. Je les ai croisés. Ah, ils étaient au fond de la salle. Mais je viendrai peut-être les voir samedi parce qu'ils sortent aussi leur album. Du coup, petit passage promo aussi pour petit clin d'œil aussi au One Last Shot qui était aussi présent au Paris Metal France Festival. C'est quand même dingue. Alors ne croyez pas qu'on reçoit que des groupes du Paris Metal France Festival, mais c'est juste que tous ces groupes-là, sortent des albums en ce moment et. Voilà, on leur fait la promo parce qu'on n'est pas là juste pour les faire jouer en concert et que c'est on aime aussi ces groupes-là. Hein. Écoute, c'est le printemps, ça fleurit. Bon, voilà, il y a des albums. Il y a les rondelles qui sortent. Ah, hein, ça, il y a les rondelles qui sortent. Merci Tom de me remettre plus son nom dans mon casque. Parle dans ton micro, s'il te plaît. Bah, je suis en plein dans le micro, je peux. Ouais, des autres. Oh, t'es gros que j'ai quoi là. Merci pour les oreilles. On va me prendre pour un chanteur de death metal tout à l'heure. Mais c'est pas on va te prendre, c'est tu es death. Je suis complètement death, ouais. Parlons un petit peu donc de comment s'est fait la réalisation de cet album. Où avez-vous enregistré? Est-ce que ça a été compliqué après la démo? Ou alors est-ce que c'était simple? Est-ce que tout était déjà écrit et prêt à être enregistré? Comment ça s'est passé? Bah déjà ouais, prêt on va dire écrit, ça c'était sûr. De toute façon, enfin, on avait mis un gros coup de collier en fait. On a composé pratiquement 4 albums déjà, qui sont on va dire au niveau des structures musicales sont faites. Donc après bien sûr faut se poser dessus avec la basse, la batterie, poser le chant, tout ça. On a un peu d'avance. Et sinon, ouais, on a essayé vraiment de voir tout simplement si on était tout simplement inspiré, je dirais. Genre, voir si vraiment on peut sortir pas mal de choses. Et donc du coup, en fait, pour les enregistrements, ça s'est passé qu'on a enregistré chez nous en DI les guitares et basses. Donc pour bien prendre le temps de les faire bien propres, tout ça, de si on a des idées de retravailler d'autres instruments pour mettre par-dessus, de changer quelque chose, au moins chez nous c'était, on peut le faire quand on veut quoi. Et puis ensuite pour terminer, tout ce qui était drum, on l'a enregistré au studio We Taylor Song avec Nico et Robin qui ont fait un travail vraiment super. Franchement, nickel. C'était, on était les premiers dans le style, dans ce style-là qu'ils ont eu à mixer et franchement ça a été super top. On s'est vachement bien trouvé au niveau du son. On a vachement bien retrouvé notre son justement. On avait peur que notre son soit un peu caché au niveau de des effets pas spécialement des effets mais surtout de que nos guitares, on va dire, on aime beaucoup le son qui est un peu crade quand même et donc du coup que ça soit plus crade. Et donc on est passé par une phase où la première piste qu'on a fait c'était All Friend, on l'a reçu et ça nous a fait peur parce que les voix, les guitares étaient un peu atrophiées, ça faisait pop. Et en fait au final on a, avec Nico et Robin, on a travaillé, on a fait le reamping au studio. Et on a trouvé notre son comme on aime bien, en live, en répète, ouais. Et voilà. Et aussi, il faut dire qu'on remercie tous les gens qui ont cru en nous et qui nous ont aidés le Kickstarter qu'on a lancé, parce que c'est surtout grâce à ça qu'on a réussi à enregistrer. Donc ouais, il faut le dire. On a fait un Kickstarter et les gens ont cru en nous, on a éclaté notre... Le plafond. Le plafond. Vous avez crevé le plafond déjà. C'est ça, ouais. Les gars. Mais les vedettes. Les vedettes. Franchement, ouais. C'était top parce qu'on se disait, nous déjà récolter 1000 balles, on savait pas comment on allait faire. Ouais. Et on avait mis une toise à 2000 euros pour pas demander trop. Et effectivement, quand on a atteint les 2000 euros, pour nous c'était incroyable parce qu'on pensait pas. Et on allait encore au-dessus après. Pouvoir atteindre ce plafond quoi. Alors comment ça se passe pour justement un jeune groupe? C'est bien, vous allez pouvoir donner des tuyaux aux autres jeunes groupes qui œuvrent aujourd'hui. Comment ça se passe? Est-ce que c'est compliqué aujourd'hui d'enregistrer un album, de le financer bien évidemment, et puis derrière de le promouvoir? Parce que vous avez tout fait en autoproduction. C'est ça. Même s'il y a eu un peu d'aide derrière financière. Mais comment ça se passe? Quelle est la difficulté aujourd'hui de faire de la musique? Eh bien, écoute, aujourd'hui, avec Internet, n'est-ce pas? Tu connais bien ça, Phil? Un petit peu. Moi, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis encore un petit peu à l'époque militaire. Parce que Tom me parlait de télégraphe tout à l'heure. Donc, aujourd'hui, tu peux vraiment tout faire de chez toi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as une carte son, tu peux enregistrer énormément de choses depuis la maison. Et si tu n'as pas vraiment de connaissances en musique ni en mixage, tu peux très bien envoyer ça chez quelqu'un qui fait ça très bien pour... pas trop cher, on va dire. Bon, voilà, faut forcément investir. De toute manière, quand t'es musicien, ta thune, tu sais tout de suite où elle va. Enfin, c'est ni dans ta caisse, ni dans ton loyer en général. Donc, tu peux faire beaucoup de choses musicalement parlant depuis chez toi. C'est beaucoup plus facile que dans les années 80. Il fallait absolument avoir un studio et il fallait payer des dizaines de milliers de dollars. Je confirme. Et donc voilà. Et par rapport à la promotion, écoute, nous on émerge tout juste aussi, hein. On a eu de la chance d'avoir des contacts un peu à droite à gauche qui ont pu nous aider, dont toi, mon cher ami. Moi j'ai rien fait. Si, vous sortez un disque, je le passe, c'est tout. Hein. Ah mais c'est... voilà. Bon, on va citer quand même Ellie Promo. Exact. Hein, on va lui rendre hommage. Ellie qui est notre attaché de presse, hein, quand même. Et puis on fait un bisou à Kevin aussi, notre manager. Très récent, ouais. Et c'est forcément c'est compliqué. Il y a beaucoup de monde maintenant qui essaye de sortir son truc, mais ça reste quand même plus facile qu'il y a quelques années. Et avec de la patience et de la rigueur, il y a toujours moyen surtout ne pas lâcher le morceau, quoi. Très bien. Alors on va parler un petit peu maintenant des textes. Qui écrit déjà? Est-ce que c'est quelque chose qui est fait à la collégiale ou est-ce que y a quelqu'un qui s'occupe des textes? Apparemment, c'est assez commun. On se rejoint tous, soit par Skype parce que maintenant on a tous Internet, hein, parce que on est tous nés après 87, comme tout à l'heure. Du coup, on utilise Internet ou sinon on se fait des petites réunions chez quelqu'un, soit chez Boris. Des réunions Tupperware. Tout à fait. Non, en vrai, c'est le gros bordel. C'est le gros bordel qu'on essaie de faire un truc. Putain, on essaie d'être sérieux, Boris. Non, mais il faut être transparent avec les gens. Non, c'est le gros bordel. On se rejoint, on essaie d'écrire des trucs, c'est le bordel. Et au final, parfois, il y a des trucs qui sortent. Il y a quelque chose qui sort. Bah, ça marche quand même. Pas trop mal, ça va. C'est vrai. Ça va. Mais voilà. on est tous dessus et. Et c'est bien. Bon, et ben moi ce que je vous propose, c'est tout à l'heure on parlait de jam parce que c'était la jam au feel good. Bah là on va partir sur une jam bomber. Tu vas nous parler un petit peu de ce que ça raconte. Est-ce que c'est un hommage à Motorhead? Alors oui et non. Oui et non, ouais. Ah, écoute, Jam Bomber, c'est un genre de petit speed metal, une chanson assez rigolote au final, parce qu'on aime bien être rigolo, comme tu sais. Ouais, mais Tom depuis tout à l'heure, il pleure. Hein. Donc, ah bon je pense qu'il pleure de rire. Je sais pas, je crois qu'il s'en fout de ce qu'on dit en fait. Il sort son... Non, Tom, tu sais, il avec tous ses petits boutons là-bas, il dit putain, pourvu que ça passe bien. Pas le micro, pourvu qu'il parle pas de moi, pourvu qu'il m'oublie un peu. Non, on est là, on te voit. Il regarde des trucs de fesses. Il est sur Tinder, là, sur son téléphone, il swipe. Non, j'avais coupé le fil. Coupé le fil. Allez, vas-y. Non, ouais, Jam Bomber, c'est une chanson sur un Jean Bomber. Donc voilà. t'as remarqué le petit pause oui, que j'ai fait, oui, voilà. Oui. C'est voilà, pour le drame un peu. Non, mais c'est. Écoute, il n'y avait pas vraiment de sens cette chanson. Enfin, bah, à la base, quand même, ça a été écrit pour oui. Se moquer, on va dire, en version rigolade, des chanteurs qui se disent à texte. Et quand tu lis leur texte, c'est à base de je t'aime, et puis toi aussi, et puis viens, et puis en fait, on s'aime, puis on s'aime plus. Donc du coup, on a dit, bah écoute, on va aussi, travailler et tous une ceux chanson. Qui le aussi. On va la travailler. Exactement. J'ai glissé. Et moi et toi, mon cher Quentin. Du coup, on s'est dit, bah vas-y, on va travailler sérieusement une chanson qui va être faite pour déconner, avec des paroles, et on va parler d'un sandwich qui se regroupe, avec des salades qui courent dans les bois. Ah, et des radis. Des oignons de radis. Tout. Oui, des oignons. Donc, c'est la culture un petit peu. Ouais, mais vous êtes trop jeune, vous n'avez pas connu ça. Billy the Kick. Alors non, que les Billy the Kid. Mangez-moi, hein, les champignons quoi. Hein. Bon allez. Ah bah oui. Bah attends, si ça, on connaît ça. On y va, on part en musique avec les Jean Bomber, hein. Et ouais. Vous trouverez pas ce titre-là sur l'album. L'album s'appelle First Ride Jam Bomber. C'est sorti le 23 mars. Et puis précipitez-vous chez votre boucher pour aller le chercher. Exactement. Exact. MF Crew, allez, on en écoute. 2, 3, 4. No more. Where is my fucking dans le studio du Rock for Show avec le groupe MF Crew. Vous venez d'entendre, oh là là, on n'a rien bu en plus, hein, que de l'eau, et malgré tout ça fourche, hein. En fait c'est un peu normal, je suis complètement intimidé par ce groupe. Puis tu rouilles un peu avec l'eau. Ça doit être cristalline, c'est violent quand même. Alors maintenant faut dire Evian et puis Vittel, c'est malin. Et puis tiens, Contrex, parce que c'est pour moi. C'est ma tournée. Ouais, ils ont pas ça ? Ah bah je sais pas ce qu'ils ont. Bah faudra qu'ils nous le disent, tiens, la prochaine fois. Hein, qu'ils nous le disent. C'était Jam Bomber, hein, avec le petit jeu de mots qui va bien. First Ride, c'est le titre de l'album. On va parler un petit peu maintenant des concerts, parce que on vous a vu au Feel Good. Il y a eu un autre concert, c'était où ? Bike and, and oui, Music, là. No Limits. Ah, no Limits, voilà. Le festival de bikers dans le 77, près de Meaux. Ouais, pas loin. On fait un petit coucou, d'ailleurs. Pas loin de là où vous allez jouer en septembre, au Faire-toi Fest. Tout à fait, exact. Hein, alors, quelles sont les prochaines dates de concert ? Alors, les prochaines dates de concert, c'est le 12 mai au Cirque Électrique avec Cobb, avec... Qui revient ? Wild, oui, tout à fait. Avec Wild et avec les copains de Dog and Style qui reviennent à Paris. Après, je crois que c'est. Ils sont dans leur fin de tournée là, donc du coup, on leur fait aussi un coucou. Mm-hmm. Et on les aime beaucoup. On les aime beaucoup, ces petits gars. Ils sont très très gentils. Bon. Ils sont gentils, ils sont jolis. Ah, ils sont jolis aussi. Ils ont des pantalons serrés ? Juste les chanteurs. Merde. Non, ça c'est chez nous, merde. Bon, donc vous allez jouer encore combien de morceaux de cet album à chaque fois On va voir, c'est suivant le temps de le set qu'on a. Donc, en règle générale, on a 45 minutes, donc du coup on joue 8 chansons. Ouais, il y en a deux qui sautent, quoi. Il y en a deux qui sautent à chaque fois. On va parler de votre nouvelle recrue également. On va lui donner le micro, parce que quand même, bonsoir. Hein, c'est important, voilà. La rythmique dans un groupe. Effectivement. C'est, on peut dire c'est la base. C'est un peu la base. C'est le. Ouais, c'est-à-dire que si t'es pas là, y a rien. C'est ça, ouais. Donc en fait, le groupe est là grâce à moi, en fait. Ils ont prévu. Donc tu es payé un peu plus cher que les autres. Voilà, exactement. Je suis le messie. Laisse tomber. Le mec, le premier jour, il a pris la confiance tout de suite, tu vois. Alors parle-nous de ton arrivée, comment ça s'est fait dans MF Crew, comment as-tu rencontré ces zozos ? Alors, comment j'ai rencontré ces zozos ? Tu te démerdes. Je les avais contactés, je pense que c'était en septembre 2016 ou un truc dans le style. Et au final, j'avais pas vraiment décidé de... On lui a dit casse-toi. Voilà, c'est ça. On ne veut pas de toi et non, il s'est accroché. Non, le style m'a beaucoup plu. Enfin, c'était vraiment un style que j'apprécie beaucoup, que j'écoute, enfin... Le style stoner, tout simplement, et je me suis dit, bah tiens, autant tenter l'audition, pourquoi pas, on verra bien. J'étais pas allé en mode très, on va dire, j'étais pas très confiant, on va dire, au début, parce que, bon, Il y a quand même l'âge aussi, je suis jeune, j'ai 20 ans quand même. Salaud. Voilà. Et du coup, l'audition est passée, ça s'est passé bien. J'ai vu l'ambiance qui était... pourrie, ouais. Une ambiance bien pourrie comme on les aime. Et ils m'ont recontacté et ça s'est fait entre moi et un autre batteur. Et ils m'ont choisi. Vas-y, écoute, t'es le moins pire. Voilà, je suis le moins pire, voilà, c'est ça. Tu as été l'heureux élu, donc. Voilà, l'heureux élu, c'est ça. Bon, et comment. Est-ce que tu as apporté un petit peu ta patte alors, un petit peu pour l'enregistrement de l'album ou... Alors, pour l'album, c'est Pascal qui a fait l'enregistrement. Mais du coup, là, j'étais vraiment de bien apprendre, on va dire, les morceaux à la cymbale près, on va dire ça. Et en live, j'essaye vraiment de mettre mes petites pattes par-ci par-là pour... Ah, parce que tu mets les deux. Voilà, d'accord. On va essayer de combiner les deux, voilà. Le style MF avec la patte Nima à la batterie, on va dire. Bon, très bien. Et tout se passe bien. L'introduction dans le groupe nickel. A été pas trop douloureuse. Il n'y a pas eu de bizutage, donc ça encore. C'était bien. apparemment, c'est une surprise ou je sais pas. Mais en tout cas, non, ça se passe super, quoi. Bon, oui. En bref, Filou, il est modeste, hein, mais on a galéré hein, pour trouver un batteur. Vraiment, on a eu des gens. Je sais, j'étais un petit peu au courant de ce qui se passait. Ouais. Et c'est vrai qu'on a vu l'annonce passer plusieurs fois. Quoi. Ouais. Là, on a rencontré des mecs, même qui étaient plus techniques que Nima, etc. Mais non, il fallait vraiment qu'on trouve quelqu'un qui. Après, voilà, je rejoins Boris sur le fait que je comprends le fait de vouloir trouver. Quelqu'un qui soit vraiment collé à l'univers d'un groupe, ouais, soit pas juste pas là pour jouer les morceaux, enfin qui comprenne l'univers du groupe, et ça c'était vraiment mon objectif, c'était de comprendre l'univers MF. Et est-ce que t'as compris? À base de claques un peu, il faut encore des claques pour que je comprenne parfaitement. mais sinon non, c'est bon quoi. Bon, et pour l'avenir, est-ce que déjà germe dans les têtes des 4 MF crew des riffs, des morceaux nouveaux? Je sais que l'album vient juste de sortir, mais tout à l'heure on en parlait en aparté, hein, en off, où il y avait certains titres que voilà, vous voudriez les remplacer par d'autres, essayer de jouer des choses un petit peu plus nouvelles, novatrices on va dire, puisque cet album est déjà dans vos têtes depuis un petit bout de temps. Ouais, bah en fait, on a une façon curieuse de travailler, en fait. C'est-à-dire qu'on compose beaucoup et on enregistre à la bourre. Donc, c'est-à-dire que là, en fait, clairement, sur nos petits PC, structurellement parlant, on a pratiquement composé 4 albums. Sauf que, on en est qu'au premier. Donc, en fait, pour le deuxième album, on va attaquer... C'est déjà fait, quoi. C'est... Enfin... Il faut poser, voilà. Il faut mettre en place toute la section rythmique, les paroles, tout ça. Il faut arranger. Du coup, Nima qui se colle aussi à la composition. Parce qu'on avait commencé un peu avec Pascal, mais comme Nima s'y colle, donc du coup, c'est un renouveau, quoi. Et effectivement, en fait, pour le deuxième album, ça va être du nouveau fait par de l'ancien, en fait. Donc, mais par contre, voilà, on va dire que par rapport à First Ride. Je sais pas si ça s'est senti dans l'écoute de ceux qui ont écouté l'album, mais il y a des chansons nous, comme... Nous, on l'a pas écouté, de toute façon. Ah bah... Il y a des chansons comme Route 66, qui sont notre première compo, donc c'est des chansons qui ont 4 ans. Ouais. Et 4 ans. Par exemple, la toute dernière qui est sortie, Al Capone, qui là, c'est vers un peu le style comptant. Donc on veut essayer de monter, on va dire, la barre un peu plus haute pour le deuxième album. Continuer à se faire plaisir, à faire de ce qu'on aime, mais à, on va dire, au niveau des structures, vraiment travailler encore plus. Et voilà. Ah, et aussi, pardon Phil, on est en train d'enregistrer un album acoustique. Oui, ah oui, oui, oui. Et c'est assez important puisque c'est nos chansons, mais revues de manière acoustique, mais pas juste du unplug, tu vois. Genre là, on y allait à fond. Genre du banjo, de l'accordéon, c'est... Ah d'accord, ok, ouais. Ok. Est-ce que c'est le fait d'avoir joué dans les radios en acoustique qui vous a donné cette idée ou cette envie? Ah, tu parles du fameux jour où on est venu chez toi. Il y a un an, ouais. Non, parce que faut dire une chose, hein, c'est qu'on pouvait pas jouer en électrique à l'époque. Ouais. On peut toujours pas aujourd'hui. mais c'est moche l'électrique. Mais on, voilà, la première fois qu'on s'est rencontrés, et c'est un petit peu ce qui nous avait fait craquer tous, c'est la session live acoustique que vous avez donnée au Rock for Show. Que vous pouvez retrouver sur une certaine page. Oui, d'ailleurs. Je sais pas si on l'a sur Rock for Show aussi. Si, il me semble qu'elle y est. Elle est toujours présente. Ouais, d'accord. Elle est, je crois, aussi sur. Radio, oui, mais c'est pour ça que je t'ai dit sur une certaine page, je parlais de ça. Non, mais on peut citer Radio, hein, moi j'ai aucun problème avec Radio. Hein. Et on peut citer aussi, on peut redire bonjour aux auditeurs parce qu'ils nous ont perdu pendant 5-10 minutes. Ah bon oui, c'est. Voilà. Bonjour Rebonjour les auditeurs. Bonjour Rebonjour. Nous ont écouté juste avant le dernier titre qu'on a passé et je vous ai laissé continuer dans les conditions du direct. Oui, de façon à ne pas perturber, comme ça vous pouvez écouter tout ce qui ne s'est pas. Tout ce que vous n'avez pas entendu, auditeur, sachant qu'il n'y a rien gagné, il n'y a eu que des questions, que des choses intéressantes sur le podcast dispo dès demain. Non, mais de toute façon, c'était juste MF Crew qui parlait, donc c'était pas intéressant. Voilà, tu as tout à fait raison. Non, revenons un petit peu donc au groupe. Je sais pas, c'est pas intéressant, à ce que vous disiez, à ce que vous disiez sur la session donc l'album live acoustique. Bah ouais, non, tu plaisantais tout à l'heure, mais en vrai c'est ça. Hein. On nous a demandé de jouer en mode acoustique plusieurs fois et nous, enfin, pour le coup, c'était un petit challenge au niveau des arrangements et tout, parce qu'on est quand même un groupe de métal. Et ça nous a tellement plu qu'on a commencé à réfléchir au truc avec Quentin, à sortir d'autres instrus, tu vois, de la 12 cordes, du banjo, à essayer d'arranger le truc avec des thèmes un peu particuliers, tu vois, genre bluegrass ou blues ou country. Et en fait ça passe trop bien et du coup des gens ont aimé ça aussi et à notre grand étonnement et du coup bah voilà là on s'amuse à faire le truc et comme c'est ça. Venu, c'est venu de ton émission donc pour l'EP où on est venu en acoustique et ensuite ça a été appuyé par un concert qu'on a fait au Rock and Live où en fait on jouait sur la scène acoustique. Le Rock and Live à Sartrouville. Et suite à ça effectivement il y a des gens qui nous ont dit mais c'est vraiment super sympa ce que vous faites en acoustique et en plus ça change. Donc du coup on s'est dit bah écoute, vu qu'on aime beaucoup l'acoustique et qu'on écoute beaucoup d'acoustique, eh ben on va retravailler totalement notre album et sortir des, comment on pourrait dire, des albums jumeaux quoi. C'est un peu là le but aussi de l'acoustique. Alors faites un petit peu attention aussi c'est à ça. Parce que ça peut être aussi un piège. Parce qu'on avait fait jouer pour la première fois The Outburst en acoustique, après ils ont fait quasiment pas mal de choses en acoustique. Pareil pour The Last Embrace. Et conscience. Donc faites bien attention de ne pas tomber dans ce piège-là, à savoir que les gens vont peut-être plus apprécier ce que vous faites en acoustique que ce que vous allez leur donner en électrique. C'est-à-dire proposez-leur quand même l'alternative, hein, parce que c'est toujours intéressant. Et c'est aussi un challenge pour vous de savoir réinstrumentaliser et réarranger vos propres titres électriques. Mais faites attention surtout de ne pas tomber dans ce piège de tout acoustique, tout électrique. Voilà, c'est juste un petit conseil, puisqu'on a eu cette expérience avec pas mal de groupes qui sont passés dans le Rock for Show à l'époque et on pouvait pas les faire jouer autrement qu'en acoustique. Mais Philou, tu nous connais maintenant. Oui, je sais de quoi vous êtes capable. Je sais de quoi vous êtes capable. En tout cas, je vais vous laisser maintenant parler du dernier titre qu'on va écouter ce soir de cet album First Ride. Il s'agit de No Way in Hell. Exactement. Allez, parlez-nous-en. Je sais pas pourquoi on parle allemand, ça, ou français, hein. Alors, de la manière dont je l'annonce en live, c'est-à-dire No way in fucking hell. Bien, voilà. Tu m'as fait peur. Pardon, désolé. No way in hell. Donc, comment on pourrait traduire ça? Bah, jamais de la vie, en gros, tu vois. C'est un mec qui décide de pas se faire. On a le droit de dire des gros mots. Oui, vas-y. Il n'y a pas de censure. Ok, bah parfait. Un mec qui décide de pas se faire niquer par la vie et tous les mauvais côtés de la vie. Tu vois, tout ce que peut représenter pour n'importe qui, les mauvais côtés de la vie, pour quelqu'un, ça va être son boulot. Enfin, j'espère pas, mais ce serait un peu triste, mais bon, voilà. Pour d'autres, ça va être. Ce que tu veux au final, tu vois. Ça peut être le nouveau président, effectivement. Ça peut être le nouveau président. Tabernacle, qui a dit niquer. Ça veut pas dire la même chose là-bas. Ça veut dire je t'aime. Non, mais Tabernacle, ça veut dire un peu merde. Tout ce qui est relation avec la religion, comme on dirait, comme des gros mots là-bas. D'accord. Tabernacle, Chris. Amen. ta paye avec la mienne, ça serait bien. Ça grossirait un petit peu les ronds. Bon, et eh bien, moi je vous propose qu'on écoute donc ce No Way in Hell tiré de First Ride. On se retrouve tout de suite après pour la suite de l'émission. Musique. rappelle qu'à l'école on m'a souvent demandé ce que je voulais dans la vie si j'avais une idée. Que faire du rock'n'roll c'était pas un métier. Mais c'est marrant. J'aime pas trop la police, je voulais pas être pompier. J'aime pas trop les églises, je voulais pas être curé. Ni être syndicaliste car j'aime pas trop marcher. C'est fatigant. Je voulais pas devenir cosmonaute en Russie. Je voulais pas devenir manager d'un franc prix. Je voulais pas qu'on m'envoie dans. J'ai compris tout au long des années, pour que mon rêve devienne une réalité, qu'il fallait de l'argent et surtout travailler. Mais c'est trop chiant. J'aimais pas les études, je me faisais chier au lycée. Je claquais toute ma thune pour aller répéter. Je matais des films de cul pour me faire patienter. C'est excitant. Je voulais pas devenir CRS à Paris. Je voulais pas devenir dictateur en Libye. Je voulais pas qu'on m'emploie dans une pâtisserie. J'aime pas le. Et au final j'ai trouvé une idée de génie pour faire ce qu'il me plaît, pour que ma vie soit cool et ne pas m'emmerder. Je veux voir des meufs. Vous venez d'écouter juste avant Tagada Jones, ce que l'on entend en fond sonore, le groupe Bagdad Rodeo qu'on a reçu la semaine dernière et nous présenter leur troisième album qui s'appelait 3. Ah ouais, c'est original, hein, n'est-ce pas? L'album est sorti au mois de mars également et ouais, je crois que c'est ça, hein, c'était le 12 mars je crois. Hein, et nous on les a interviewés le 13 et c'est sorti le 12. Donc voilà, on était un petit peu en retard sur le coup. Et ils seront en concert le 26. Et ils seront en concert, oui, vas-y, je te laisse. Le 26 mars au Backstage, pas les 2000. Exactement, et si vous voulez rafler des places, c'est au 06 80 01 28 34. 06 80 01 28 34. Attends, voilà. T'as pas pris ton papier, ton crayon. Voilà, donc si vous voulez rafler des places pour aller voir donc Bagdad Rodeo, et puis également Folker et Doul. Et pour les Québécois, est-ce que tu payes le transport? À ce moment-là, ils font 00 33 6 81 01 28 34. 01 28 34. Non, ce qu'on va faire pour les Québécois, c'est qu'on va filmer une ou deux chansons et on leur mettra sur Face de Butch. Hein, c'est tout. Voilà, comme ça, ils pourront faire des économies et ne pas se payer un voyage onéreux. Le morceau de Bagdad Rodeo, c'était Le Sens de la Vie. J'espère que vous avez apprécié. Sorti chez Do It. que l'on salue bien bas. Ce que vous entendez en fond sonore, Tagada Jones, tiré de l'album La Peste et le Choléra, c'est peut-être un petit peu ce que l'on va avoir dimanche soir. On va peut-être se réveiller là, avec une espèce de gueule de bois, et puis se dire, tout est à refaire une semaine, 15 jours plus tard. L'album de Bagdad de Tagada Jones est sorti chez Atom le 3 mars également. Et ils seront en concert, mon cher Tom, le concert est complet. S'il est complet, pourquoi tu veux l'annoncer ? Bah parce que on m'a demandé de l'annoncer quand même. Donc c'est le 22 avril, c'est-à-dire ce samedi. Mais on n'avait pas des places à faire gagner ? Non, la semaine dernière c'était. Et ça a été gagné. Et ça a été des places gagnées évidemment. Ça sera à l'Elysée Montmartre avec No One Is Innocent qui tournait il y a quelques temps avec justement les Bagdad Rodeo qu'on vient de vous passer. Et là ça sera les Sheriffs. Et nous allons passer maintenant. Fais-moi peur. Nous allons passer du rock, mais avant ça, nous allons reparler un petit peu avec les MF Crew, puisqu'il y a un concert aussi, dont on n'a pas parlé, qui aura lieu au mois de juin, un peu avant le Hellfest. Ce sera au Hellfest d'ailleurs, mais c'est le Hellfest Off. Ouais, alors, le vrai nom, c'est Hellfest Scène Live Pression. Donc on jouera devant le Leclerc, il y a une scène... ne rigole pas Maurice, elle est très connue. C'est archi glam. Elle est très très connue cette scène. Mais c'est pas Pression Live, parce que là Pression Live c'est une marque. Ouais. Je crois que c'est Pression Live, hein. Mais c'est pas dans le seul ouais, quelque chose. C'est sûrement, Pression Live est une marque, donc ça va être sponsorisé par Pression Live. C'est peut-être parce qu'il a la pression du live. Ouais. Parce qu'il fait live pression beaucoup, du coup. Ce soir c'est ça fait pour beaucoup. Ça. Il y aura du live et de la pression, et de la mais pression, c'est Pression Live. Bon, en tout cas, c'est devant le Leclerc de Clisson. Oui, tout à fait, le mercredi à 17h30. Voilà, et vous jouez combien de temps ? On joue 30 minutes. 30 minutes. Bon, ne les ratez pas. Allez voir MF Crew. Vous jouez plus qu'au PMFF, c'est trop bien. le temps d'installation n'est pas compris. Du coup, vous jouez moins. D'autres choses à nous dire sur cet album ? Profitez-en, parce que après, c'est terminé, hein, on vous jette dehors. On t'aime, Phil. Ah, voilà, ça, ça aurait été dommage de pas l'entendre. Voilà. Moi aussi je vous aime et c'est sincère et j'espère qu'on se reverra encore de nombreuses fois sur des concerts à la radio et puis vous entendre également sur de nouveaux albums. En tout cas, on vous souhaite tout le bonheur du monde, comme dirait l'autre. Tout le bonheur du monde, c'est pas le groupe suivant, c'est un autre. C'est pas tellement métal non plus. Mais en tout cas, on vous souhaite plein de bonnes choses pour cet album, First Ride, et on espère vous voir très très très prochainement. Sur d'autres scènes parisiennes. Nous allons enchaîner maintenant avec des groupes plutôt rock. On va changer un petit peu de style. Et on va passer à Merzine. Alors ça, c'est un groupe que Tom affectionne plus particulièrement. Donc Pourquoi tu dis ça ? Bah parce que je sais que c'est plus ta cam que Suffocation, par exemple. Surtout, c'est que maintenant, surtout le groupe suivant, c'est des amis. Donc, donc parle-nous-en. C'est comme Manu, quoi. Merzine plutôt, qui a fait avec un duo avec Manu, pour ne citer que, avec leur album Babel Live, qui est donc issu de leur précédent album qui s'appelait Babel. L'album sorti le 14 avril dernier, et le titre qu'on entendra c'est Welcome Circus. Merzine, un groupe pour ceux qui ne connaissent pas, breton, années 90, donc plus de 20 ans d'expérience. Ils ont fêté les 20 ans l'année dernière. Voilà. Babel Live, ça fait les 20 ans, c'est ça. Exactement, donc vous allez voir, moi j'ai beaucoup aimé cet album live parce que je connaissais le groupe en studio, mais je les ai encore jamais vus en live, donc ça m'a permis d'un petit peu d'avoir une petite idée. Tous les ans à Paris. Nous allons passer sur un autre groupe aussi. The Hits. Pas loin, enfin près de la mer, hein, puisqu'ils nous viennent de Cherbourg. Ils s'appellent The Hits. Avec leur album Arnett. Ça chante en français et on ne parle pas. Même si on ne chante pas La Bouche Pleine, le morceau s'appelle La Bouche Pleine. C'est sorti chez Raccoon Moon Records le 3 mars dernier et c'est leur premier album et ils nous font du rock'n'roll. Enfin, c'est du rock français. Nous enchaînerons encore avec un autre groupe français qui s'appelle Igor, avec plein de R, il y en a trois. Un petit peu comme Radio Biz, hein, c'était pour ça que j'avais mis, pour leur faire un petit clin d'œil, avec leur 5Z, comme Zorro. L'album s'appelle Savage Sinusoid, c'est le cinquième album du groupe. Alors, c'est pas vraiment un groupe. C'est un projet, c'est ça? Non, en fait, c'est un... alors sur scène, ça doit être un groupe, mais il n'y a qu'une seule et même personne qui compose tout et qui joue de tous les morceaux. D'accord, ok. Voilà, alors pour ceux c'est qui. C'est un one-man band, quoi. Un one-man band. Il y a Boris qui veut citer, donner le nom du titre. Le titre qui... J'ai coup, vu, Boris, vas-y, tiens. Ils étaient en train de se battre là, tous les deux. Ouais, prends ta respiration, bien alors, comme il faut, et dis-nous le titre du morceau que l'on va écouter de Igor. Le titre du morceau, c'est Apopatodia Fulatophobie. Et ben là, je dis bravo, on peut l'appeler. Ouais, hein. Merci, merci. On voit qui est les chanteurs. Le chanteur donc, de cet album s'appelle Gauthier Serre. Pour tous ceux qui voulaient avoir le nom du compositeur. Ça va sortir chez Metal Blade au mois de juin, ce sera le 16 juin exactement. L'album fait 11 titres. Alors là, il y en a pour tous les goûts. On est vraiment dans quelque chose de très barré. Tout à l'heure, tu nous parlais de banjo. Là, il y a de l'accordéon, il y a du piano, il y a du banjo. Enfin, vraiment, il y a un petit peu de tout. J'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans cet album. Pour la petite histoire, le dernier titre s'appelle Au revoir. C'est vraiment une blague que je fais, c'est absolument pas... Mais je me suis dit, on va aller jusqu'au bout. Le dernier titre s'appelle Au revoir, moi j'aurais préféré qu'il s'appelle Adieu. Non, voilà, c'est méchant, c'est très méchant. En plus, le petit gars, il est de Paris, donc s'il veut me casser la gueule, c'est facile, hein, je le verrai pas venir. Ah, elle est drôle, celle-là. Hein, hein. Et c'est donc du métal expérimental. Et en fait, le Gauthier a commencé sa carrière avec Igor en 2005. Voilà. Donc on écoute tout ça et on se retrouve tout de suite après, presque pour se dire au revoir, me semble-t-il. Salut les petits loups de mer, ça va? Excellent, excellent, bien vu, Clévy, merci, on vous souhaite un excellent voyage dans les couloirs de Babel. Approchez-vous, approchez, messieurs, dames, veuillez nous rejoindre sur la place centrale. C'est le grand soin pour ouvrir le bal. Merci d'accueillir les agités du bocal. La lumière s'éteint, le silence s'installe. Sous le grand chapiteau s'ouvre le festival. Roulement de tambour, cœur résonne la fanfare. Monstrueuse baraque, phénomène quelques guignols. Oh, tu fais pour faire bien, mais rien ne t'affole. Non, non, les images de détresse comme antidépresseurs. Oh, tu te dis que ça va plus mal ailleurs. Le cul coincé dans la fourmilière, en honnête étranger de l'authentique. L'illégitime. Oh, gueule pas la bouche pleine. Alors que tu ne t'adresses pas à ramasser 10 centimes. La culpabilité en guise de muselière. Ton confort te donne le devoir de te taire. Marqué d'un sourire grégaire jusqu'aux oreilles. Le petit doigt levé ou non de façon séparée. Quand tu te compares aux enfants du bébé. retour dans les studios pour la fin de cette émission. Alors j'espère que Igor, ça vous a plu. Voilà, c'était un peu space. Sachez que il y a un morceau qui dure une minute et des brouettes. Alors ça ressemble un petit peu à Diablo Swing Orchestra, pour ceux qui connaissent un petit peu. Mais voilà, je pense que il y a quand même une forte différence. Mon cœur balance et bat un peu plus pour Diablo Swing Orchestra. Bon, maintenant on est un peu chauvin, donc Igor c'est français, donc c'est forcément bien. nous allons vous quitter. C'est dommage, c'est triste. C'est Phil, bien. Excuse-moi, le disque commence à être rayé. Ah bon? Ton disque cuité, machin. C'est vrai? Ouais. Bon, bah on se cuitera la prochaine fois alors. Mais en tout cas, on était très contents de recevoir les MF Crew ce soir pour la sortie de First Ride, leur nouvel album. On va leur souhaiter plein de bonnes choses sur la route. Et puis qu'ils viennent nous revoir lorsqu'ils sortiront des nouvelles petites choses. Ça nous fera amplement plaisir. On va leur laisser le mot de la fin d'ailleurs pour eux. Hein. Mais on fait plein de bisous, Philou. Hein. Ah ouais, beaucoup plein. On aime le Québec aussi. Ah, vous aimez eux aussi, je crois qu'ils vous aiment également. Bah tiens, bah, on pourrait peut-être vous trouver des plans au Québec. Ce serait sympa. Carrément. Hein. D'ailleurs, ouais, un petit coucou à. Un petit coucou à Émeric qui doit nous écouter. Émeric, Charlotte, Alexis qui sont là-bas. Émeric et d'ailleurs sa copine aussi, Éléonore. Bonsoir, Éléonore. Coucou. Et un petit bisou à Nemo qui nous écoute aussi. Oui, bisous à Nemo. C'est une dédicace personnelle. D'accord, ok, très bien. C'est bon ? C'est bon. Alors on reste au Canada avec Long House, puisque le groupe est canadien et qu'il nous vient de Ottawa. Ils viennent de sortir un deuxième album. Alors c'est pas un album, mais comme il dure longtemps, on va dire que c'est un album, alors que c'est un EP 5 titres. C'est une autoproduction qui est sortie le 14 avril. Le morceau que je vous propose de découvrir ce soir s'appelle Blood and Stone et c'est tiré de Two Vanishing. Ouais, c'est pas deux, c'est Two Vanishing. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur ce groupe? Il y a 10 titres, dont un titre qui fait 10 minutes. Donc je vous ai mis le titre le plus court ce soir qui fait à peu près 5 minutes. Ouais, mais cherche pas à comprendre, faut l'envoyer parce qu'ils l'auront pas dans le chat. Oui, c'est du Doom et on vous en reparle certainement la semaine prochaine pour vous en parler plus en profondeur. En tout cas, ça plaira aux gens qui aiment Cult of Luna, High and Fire, Nervosa, enfin tout ça. Et on vous disait, on vous dit à la semaine prochaine pour un spécial 100% Zik nouveauté. C'était Rock, c'était chaud, c'était le Rock for Show. Bye bye.